إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون والمسلمات أكرمكم الله عز وجل بهذا الدين العظيم وامتن عليكم بسلوك صراطه المستقيم وبعث إليكم محمدا صلى الله عليه وسلم معلما وهاديا إلى الطريق القويم وبعد هذا الجود والكرم من رب العالمين أمركم الله جل وعلا بالدعوة إلى هذا الدين فالدعوة من أزكى الأعمال وأفضل المهمات إذ هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام ويترتب عليها الأجور العظيمة التي ينالها من دعا إلى الله عز وجل وأخلص النية لله لقوله عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم في صحيحه ولما كان التوحيد أعظم الأمور وأهمها في الدعوة إلى الله لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه لا ينبغي لمن عرف التوحيد أن يقتصر على نفسه فإن الرجل إذا علم عليه العمل وإذا علم وعمل وجبت عليه الدعوة إلى الله حتى يكون من ورثة الأنبياء وعلى طريقهم وطريق أتباعهم قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين Chers musulmans et musulmanes, Allah subhanahu wa ta'ala a été généreux envers vous en vous donnant une immense religion. Et Allah azza wa jal vous a comblé de bienfaits lorsque vous avez emprunté son droit chemin. Et Allah azza wa jal vous a comblé de bienfaits également lorsqu'il vous a envoyé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme enseignant et guide. Après ces bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala t'a comblé, Allah azza wa jal nous ordonne également d'appeler à cette religion. Ainsi, d'appeler à l'islam fait partie des œuvres les plus nobles et fait partie des obligations les plus prononcées car c'est la tâche et c'était le travail des prophètes et envoyés d'Allah alayhim salam et découle de l'appel à l'islam et de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala d'immenses récompenses comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui appelle à une voix, il aura la récompense de ceux qui l'auront suivi sans que leur récompense à eux n'en soit diminué. Hadith rapporté par Muslim dans son Sahih. Et ce prêche, ce discours d'aujourd'hui, vient dans la continuité des discours précédents qui ont traité du tawhid, de son importance, des immenses récompenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala réserve à celui qui l'adore seul sans ne rien lui associer. Nous avons vu également dans les discours précédents la gravité du polythéisme et à quel point les prophètes et envoyés d'Allah qui sont les meilleures créatures redoutaient de sombrer dans le polythéisme. Parce que le tawhid est la chose la plus importante, c'est donc la première chose à laquelle il faut appeler lorsqu'on appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, chers musulmans et musulmanes, lorsque tu sais, lorsque tu as la connaissance d'une chose, tu te dois de la mettre en pratique. Et lorsque tu l'apprends, que tu la mets en pratique, alors il est de ton devoir de la transmettre afin que tu fasses partie de ceux qui hérite et faire partie des héritiers des prophètes, alayhimus salam. Ainsi tu auras suivi leur voie, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle plus belle parole est celle de que celui, et quelle plus belle parole, et quelle parole est plus belle que la parole de celui qui appelle à Allah, qui accomplit des œuvres pieuses et qui dit « Je fais partie des musulmans ». Commence donc par toi-même, chers musulmans et musulmanes. Puis ensuite, appelle ton épouse, appelle ta famille, appelle tes enfants à Allah subhanahu wa ta'ala, à adorer Allah seul, sans ne rien lui associer. Car toi, père de famille, tu es le responsable de ton foyer. Tu es le seul et unique responsable de ton foyer. Allah azawajal te questionnera, toi, sur tes enfants, ta femme et ta famille. Ne tombe pas dans le piège de ceux qui partagent les responsabilités dans la maison en disant « Moi, je m'occupe des garçons et toi, l'épouse, tu t'occupes des filles. » Ceci est une ruse du diable. Car au final, Allah Azzawajal te questionnera toi, car c'est toi l'homme, c'est toi le père qui est responsable de ta femme, de tes enfants, garçons et filles. Et combien ont laissé cette tâche à... On laissait l'éducation des filles à leur mère. Et ces mères, malheureusement, pour la plupart, ce n'est, bien sûr, il y a des exceptions, n'ont pas respecté le dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a confié et n'ont pas éduqué leurs filles comme ils devaient le faire en toute conformité à l'islam et aux préceptes de notre noble religion. Ayyuha al-muslimoun. الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى التوحيد وإلى الإيمان بالله وبما جاءت به الرسل وذلك يتضمن الدعوة إلى أركان الإسلام وأصول الإيمان والإحسان بل الأمر بما أمر به والنهي عما نهي عنه ولا تتم إلا بذلك وأول ما يبدأ به الدعوة إلى التوحيد الذي هو معنى الشهادتين كما كان شأن المرسلين وأتباعهم. قال الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أي هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده طريقتي ومسلكي ودعوتي إلى الله وحده لا شريك له لا إلى حظ ولا إلى رياسة بل إلى الله وحده على بصيرة أي على بصيرة بذلك وبيقين وبرهان وعلم أنا ومن اتبعني أي ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. والبصيرة هي المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل. وسبحان الله أي أنزه الله وأعظمه وأقدسه وأجله عن أن يكون له شريك في ملكه أو نذير أو نظير أو ند وما أنا من المشركين في الاعتقاد والعمل والمسكن لست منهم ولا هم مني بأي نسبة كانوا بحيث لا يعد منهم بوجه من الوجوه وفيه وجوب الهجرة وهو معلوم بالكتاب والسنة والإجماع. D'appeler à Allah Azzawajal, c'est-à-dire d'appeler en premier lieu à l'unicité d'Allah Azzawajal, d'appeler à la foi, d'appeler ce avec quoi sont venus les prophètes et envoyés d'Allah, alayhimus salam, d'appeler au pilier de l'islam, au pilier de la foi, de la bienfaisance, d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et la première chose par laquelle tu dois commencer, c'est d'appeler au tawhid, c'est-à-dire l'explication des deux attestations comme l'ont fait les prophètes et envoyés. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, en sourate Yusuf le verset 108, dis au Muhammad, voilà ma voix, j'appelle à Allah en toute clairvoyance, moi et ceux qui me suivent, et qu'Allah soit purifié de tout défaut, et je ne fais point partie des polythéistes. En ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire aux gens, voilà ma voix à laquelle j'appelle au tawhid et à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà le chemin que j'ai emprunté et j'appelle à Allah, dit, voici ma voix, j'appelle à Allah. J'appelle à Allah et à Allah seul. Lorsque tu appelles, n'appelle pas pour obtenir un poste ou pour obtenir une présidence, mais appelle pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ma voix, j'appelle à Allah en toute clairvoyance. En toute clairvoyance, c'est-à-dire avec science, avec certitude, avec preuve. Ana wa man ittaba'ani, moi et ceux qui me suivent. C'est-à-dire que ceux qui me suivent également appellent à Allah, c'est-à-dire à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme moi j'appelle à l'unicité d'Allah. Et la clairvoyance, c'est d'avoir la science qui te permet de distinguer entre le vrai du faux. Wa subhanallah, et qu'Allah soit glorifié et exemple de tout défaut. C'est-à-dire que je glorifie Allah, que je l'exemple de tout défaut, que je l'immensifie et que je nie le fait qu'il est un associé dans son royaume ou dans son adoration subhanahu wa ta'ala, et je ne fais point partie des polythéistes. Ici, Allah Azza wa Jalla ordonne à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de se désavouer des polythéistes, de se désavouer de la croyance des polythéistes, de se désavouer des actes et des œuvres des polythéistes, et de se désavouer également de l'endroit dans lequel vivent les polythéistes. C'est-à-dire que je ne fais pas partie d'eux, et ils ne font pas partie de moi. Je m'éloigne d'eux et je me désavoue d'eux au point qu'on ne puisse me confondre avec eux. Et il y a dans ce verset l'obligation d'émigrer vers les terres d'islam, comme cela est connu dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à l'unanimité des savants. والنصوص في الدعوة إلى الله كثيرة. قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وهي واجبة على من اتبع محمد صلى الله عليه وسلم. وهي واجبة على من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى الله. والدعوة إلى الله لا بد لها من شرطين، أن تكون خالصة لوجه الله، وأن تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الداعي عارفا بما يدعو إليه، فإن أخل بالأول كان مشركا، وإن أخل بالثاني كان مبتدعا. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معادا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فلا واجب على المكلفين أعظم من التوحيد علما وعملا. ومن أدلته هذا النص وغيره، فإن قوله عليه الصلاة والسلام: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، مع قوله عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني أنهم أهل علوم وكتب وحجج. ومع ذلك أمره عليه الصلاة والسلام أن يدعوهم إلى إفراد الله بالعبادة، لكونهم محتاجين إلى أن تبين لهم ذلك، فإن منهم من يجهله أو يعلمه، ولكن الشهوة تمنعه من ذلك، وحب المال والجاه والرئاسة والعياذ بالله. وفيه أنه لا يحكم بإسلام شخص إلا بالنطق بالشهادتين، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. Les textes sont nombreux dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui encourage le musulman à appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, et le prêche d'appeler à Allah azawajal est conditionné par deux conditions. La première, d'appeler en toute sincérité à Allah subhanahu wa ta'ala, et d'appeler d'une manière et d'une façon qui est totalement en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui appelle à Allah doit être connaisseur et doit avoir la science de ce à quoi il appelle. Si il n'est pas sincère, alors il ressemblera au polythéiste. Et si il ne suit pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa façon d'appeler à Allah azawajal sera sans aucun doute une façon innovée. Et dans le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'ad au Yémen et lui a dit: tu vas te rendre chez un peuple qui font partie des gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, que la première chose à laquelle tu les appelles soit d'attester qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah. Ainsi, il n'y a pas une obligation plus forte que le tawhid de l'apprendre et de le mettre en pratique. Et les preuves sont nombreuses. Parmi ces preuves, ce hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la directive formelle de commencer son appel à Allah par le tawhid, et de commencer par cela vis-à-vis des gens du livre. Ce sont des gens qui ont de la science, des gens qui ont des livres, des gens qui ont des arguments avec eux. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de commencer par le tawhid, d'adorer Allah seul sans ne rien lui associer. Car ces gens du livre ont besoin qu'on leur montre la vérité. Certains parmi eux sont ignorants, d'autres connaissent la vérité, mais ils suivent leur passion, une passion qui est motivée soit par l'argent, soit par un poste, soit par une présidence ou autre. Et combien sont ceux qui sont ignorants et qui ont besoin qu'on leur apprenne l'islam? Et il y a dans ce hadith de Abdullah ibn Abbas la preuve qu'une personne ne peut être musulmane que lorsqu'elle a prononcé les deux attestations, la première qui est d'attester qu'Allah est le seul qui mérite d'être adoré, et la deuxième que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète et envoyé d'Allah. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنهم أطاعوك لذلك أي شهدوا وانقادوا لذلك وكفروا بما يعبد من دون الله قال عليه الصلاة والسلام فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب رواه البخاري ومسلم. ثنى النبي عليه الصلاة والسلام بالأعمال بعد التوحيد لأنها لا تصح بدونه، فهو أي التوحيد شرط لصحة جميع الأعمال، وفيه أن الصلاة أول واجب بعد الشهادتين، وأن الصلاة وغيرها من سائر الأعمال لا تصح بدون الشهادتين. ثم حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ كرائم أموالهم، فيحرم على جاب الزكاة أخذها، ويحرم على صاحب المال إخراج الرديء من ماله، بل الوسط، لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس ونية صحيحة، فإن طابت نفسه بكريم ماله جاز ذلك. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الظلم، فقال واتق دعوة المظلوم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، ودعوة المضطر لا ترد ولا تحجب عن الله سبحانه وتعالى. في البروفيت صلى الله عليه وسلم أدي معاد رضي الله عنه et s'il t'obéisse à cela. C'est-à-dire, si ils attestent que Allah est la seule divinité qui mérite d'être adorée, et s'ils se soumettent à cela et mécroient et rejettent tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors à ce moment-là, informe-leur qu'Allah leur a rendu obligatoire 5 prières de jour et de nuit. S'ils t'obéissent dans cela, informe-les alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de sortir une aumône qui est prise de leurs riches et qui est reversée à leurs pauvres. Et s'ils t'obéissent à cela, alors prends garde à ne pas prendre les biens, les meilleurs de leurs biens, et prends garde à l'invocation de l'opprimé, car il n'y a entre elle et Allah aucun voile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dirigé Abdullah ibn Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu d'appeler aux actes, aux œuvres, aux adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala après le tawhid, car tous ces actes ne peuvent être acceptés si le tawhid n'est pas existant. Et il y a dans ce hadith la preuve que la prière est l'obligation la plus importante après l'attestation qu'Allah est le seul qui mérite d'être adoré et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Et cela prouve également que la prière et tous les autres actes ne peuvent être valides sans ces deux attestations. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde entre le fait de prendre, pour celui qui prend la zakat, c'est-à-dire celui qui est chargé par l'État musulman de récupérer la zakat de ceux qui doivent la donner, la zakat des cultures et autres, de ne pas prendre les meilleurs de ces cultures, les meilleurs de ces récoltes, de prendre celles qui sont de qualité moyenne. Celui donc qui doit récupérer la zakat d'une personne qui a une palmeraie, il ne doit pas prendre les meilleures dates. De même que celui qui sort la zakat ne doit pas donner les dates qui sont de moindre qualité, mais il doit donner celles qui sont entre les deux. Ceci est plus propice à ce que celui qui donne la zakat la donne avec une, en étant apaisé et avec une intention sincère. Si par contre il désire donner de la zakat de ce qu'il y a, de ce qu'il possède de meilleur, il n'y a aucun mal à cela. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde Mu'adh radiallahu anhu de faire preuve d'injustice et il lui a dit alayhi salatu wa salam, et crains et redoute l'invocation de l'opprimé, car l'injustice seront ou sera des ténèbres le jour du jugement, et l'invocation de l'opprimé, il n'y a entre elle et Allah aucun voile, et Allah subhanahu wa ta'ala, dans tous les cas, l'exauce. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب فقيل له هو يشتكي عينه فأرسلوا إليه فأوتي به فبسق صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه صلى الله عليه وسلم الراية فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم رواه البخاري ومسلم. ففي هذا الحديث العظيم أمر صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه قبل أن يفتح خيبر أن يدعو أهلها إلى الإسلام، وأصل الإسلام هو التوحيد، وهكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه. ثم أمره صلى الله عليه وسلم إنهم أجابوه إلى الإسلام أن يخبرهم بما يجب من شرائعه التي لا بد من فعلها كالصلاة والزكاة وغيرها. سلو سهل بن سعد رضي الله عنه il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la bataille de Khaybar a dit: je donnerai demain l'étendard à un homme qui aime Allah et son envoyé. Et un homme qu'Allah et son envoyé aiment, Allah accordera la victoire par son intermédiaire. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont passé la nuit à se demander qui d'entre eux bénéficiera de ce privilège, qui d'entre eux recevra l'étendard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le lendemain matin, ils se sont présentés devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous espérant recevoir l'étendard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam a alors dit: où est Ali ibn Abi Talib? Ils ont dit: il se plaint de ses yeux, envoyé d'Allah. Ils sont alors partis le chercher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a postillonné sur ses yeux et a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de Ali ibn Abi Talib. Et Sahl ibn Sa'd a dit, il a guéri comme s'il n'avait jamais connu de douleur et de maladie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors donné l'étendard et lui a dit, pars jusqu'à ce que tu arrives dans leur terre, c'est-à-dire dans le champ de bataille, puis appelle-les à l'islam. Puis appelle-les à l'islam. Ainsi étaient les batailles au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant la bataille des épées, il y avait d'abord la bataille des deux porte-étendards qui transmettaient les messages qui devaient être transmis. Il y avait ensuite la bataille des poètes qui se confrontaient et s'affrontaient en disant les uns envers les autres des poèmes à celui qui était le plus éloquent et à celui qui laissait son adversaire bouche bée. Puis si cela n'apportait aucune issue, alors c'était la bataille des épées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors envoyé Ali radiallahu anhu en portant l'étendard de l'islam. Il lui a dit alayhi salatu wassalam, va jusqu'à arriver sur la place de la bataille et appelle-les à l'islam et informe-les de ce qui leur est obligatoire et des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux et le droit le plus important qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envers ses serviteurs, c'est qu'il l'adore et qu'il ne lui associe personne. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali, par Allah, si Allah guide un seul homme par ton intermédiaire, cela sera meilleur pour toi qu'une chamelle rouge. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans ce hadith immense, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Ali radiallahu anhu avant que la bataille de Khaybar ne commence, afin qu'il les appelle à l'islam. Et la base de l'islam, c'est bien entendu le tawhid. Et ainsi doit être le but des gens de l'islam. Lorsqu'ils combattent les non-musulmans, leur but, c'est que ces non-musulmans soient guidés à l'islam, qu'ils embrassent l'islam et qu'ils entrent dans cette noble religion. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné, s'ils acceptaient cela, de leur informer des autres législations de l'islam, comme d'accomplir la prière, la zakat et autres. Ayyuha al-muslimun, من الله عليكم بهذا الدين العظيم فاحرصوا على هداية الناس ودعوة الكفار للدخول في هذا الدين لإنقاذهم من النار في الآخرة والشقاء والضياع والضلال في الدنيا لكم بهذا الأجر العظيم فقد حلف عليه الصلاة والسلام ترغيبا في الدعوة إلى الله فقال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أي هداية رجل واحد على يديك خير من الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب في حينها وهذا مثل للتقريب إلى الأذهان وإلا فنعيم الآخرة لا يماثله شيء من نعيم الدنيا. Chers musulmans et musulmanes, Allah subhanahu wa ta'ala vous a comblé de cette immense religion. Soyez donc de ces personnes, faites donc partie de ces personnes qui appellent les non-musulmans à l'islam, qui expliquent l'islam aux non-musulmans afin de les sauver du feu de l'enfer dans l'au-delà et de les sauver de la tristesse et de la perdition et de l'égarement dans cette vie d'ici-bas. Vous aurez, en faisant cela, une immense récompense, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré par Allah, ceci pour encourager l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a dit alayhi salatu wa sallam, par Allah, si Allah guide par ton intermédiaire un seul homme, cela sera meilleur pour toi qu'une chamelle rouge, c'est-à-dire que la guidée d'un homme par ton intermédiaire est meilleur pour toi que de posséder une chamelle rouge, qui était le bien le plus précieux chez les Arabes à l'époque. Et ceci est une image, ceci est un exemple qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour illustrer l'immense récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala réserve à celui par la cause de qui une personne ait embrassé l'islam. Mais quant à la réalité de cette récompense, quant aux récompenses de l'au-delà, elles ne sont en aucun cas comparables avec quelconque récompense de cette vie d'ici-bas. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا ممن يدعون إلى سبيلك. اللهم اجعلنا من دعاة التوحيد. اللهم اجعلنا من دعاة التوحيد. اللهم اجعلنا سببا لهداية الخلق. اللهم اجعلنا سببا لهداية وإرشاد الناس. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.